Pendant les régates de Saint-Félicien, l'endroit où il faut visiter, c'est au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien. Buffet à volonté, servi avec le sourire par un personnel courtois. Les propriétaires Laval-Ouellette et Steve Nauf souhaitent franc succès aux organisateurs de régates de Saint-Félicien et désirent souhaiter la bienvenue aux nombreux touristes dans le secteur. Au Mets chinois, au 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au numéro de téléphone 88-679-3330. Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au regatdesaintfélicien.com. On va parler de boxe. Belle victoire de Simon Keane contre l'ancien joueur de football des Eskimos d'Edmonton, Adam Braidwood. Ça s'est déroulé au Centre Auto Gervais de Shawinigan. Question de savoir un peu comment qu'il se remet de cette brillante victoire. On lui parle. Salut Simon! Bonjour, bonjour, ça va? Ça va bien. Simon, est-ce que vous attendez de gagner aussi facilement? Puisque à entendre parler les médias sur les médias sociaux, dans les médias, Braidwood avait une grande trappe et certainement que moi je m'attendais que ça allait être plus long que ça. Pourquoi? Parce que je pensais que c'était un meilleur boxeur, c'était un gars qui semblait avoir plus hargneux, puis donc je m'attendais à, mais bravo, c'est bien mieux comme ça, là. OK. Ouais, la majorité des gens pensaient que ça allait être serré ou il y en a beaucoup qui pensaient que j'allais perdre. C'est des gens qui avaient des opinions, mais qui ne connaissaient pas la boxe. C'est là, les gens qui connaissaient la boxe, dans les paris sportifs, c'était largement avantageux. OK. Sur les réseaux sociaux, dans les paris, c'était quasiment 50-50. OK. C'est des gens comme. C'est à cause que j'affronte un gars qui est bon, je ne peux pas gagner. Les gens avaient besoin de croire par les personnes qui sont près de chez eux, de leurs voisins. C'est pas grave. Mais là, j'ai fait comprendre à tout le monde que je suis dans une classe à part. Ben, c'est... Je m'attendais peut-être pas à dominer à ce point-là. Là. Ouais, c'est ça. Je m'attendais que toi, tu fonces plus dessus. Puis, il essayait, mais quand dès qu'il commençait à attaquer, je le freinais avec un jab. Puis, moi, le jab, c'est un coup de poing offensif, comme un coup de poing défensif. Puis, ça empêche l'autre de t'attaquer avec un jab. J'ai lancé beaucoup de jabs, puis au poids lourd, c'est pas mal les jabs. Donc, ça a passé par là. Ta préparation était excellente aussi avec ton entraîneur Jimmy Boisvert, hein? Ah, elle était excellente. J'avais 3 ans, je respirais même pas encore. Là, il va arriver quoi au cours des prochaines semaines avec toi? Je disais, le lendemain, ton promoteur Camille Estéphane qui dit que tu as le talent pour être champion du monde. Tu es peut-être même le prochain Vitali Klitschko. Hey, c'est toute une méchante belle comparaison et un méchant beau compliment. Là, il va arriver quoi? Là? Je vais me battre en septembre, je ne sais pas trop qui. On va attendre. Je viens juste à me battre, le téléphone va sonner, on va avoir les offres bientôt, on va attendre que on va se laisser le temps se reposer, de changer les idées, puis s'en va au travail après. OK. Est-ce que Simon, parce que c'est quand même une catégorie, quand même, ben, t'as Wilder, t'as également Joshua, mais si, quand, il y a quand même, c'est quand même des catégories prenables là, pour être champion du monde. Je ne vois pas, peux-tu juste me répéter, s'il te plaît? Oui, ce que je te disais, c'est que c'est une catégorie quand même. Oui, il y a Deontay Wilder, il y a également Joshua. Ça va être un gros combat qui va avoir lieu au mois de cet automne. Bon. Mais il y a quand même des catégories quand même qui pourraient être intéressantes. Là. Pour être au moins dans le classement des top 10. Là. Oui. Ben oui, mais il va falloir que j'affronte des gars qui sont de... Je vais devoir affronter des adversaires qui sont... Je crois jamais affronter Deontay Wilder ou Anthony Joshua maintenant, parce qu'ils... Non, c'est sûr. Ils n'ont aucun intérêt à m'affronter. Non. Il va falloir que je batte des gars comme Dominique Brazil, Dylan White, Shizora, des gens comme ça, Gerald Miller, ils sont près des chemins du monde, ça va être un intermédiaire. Ça, ils vont me faire monter au classement pour... C'est pas mal l'objectif d'accéder le plus rapidement possible dans le top 10 des 4 associations? Oui, exact. OK, hein, moyen terme. Il y a des auditeurs qui essaient de te poser, qui veulent te poser des questions, évidemment, pour savoir un peu. Il y en a un du Cap de la Madeleine qui te félicite d'ailleurs, qui te félicite beaucoup, beaucoup pour. Ils disent qu'ils sont bien fiers de toi. Il y en a un autre qui dit le prochain combat, est-ce que c'est au Québec encore? On ne sait pas encore, on n'a pas de détails. OK, on n'a pas de détails là-dessus. Ben, Simon, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bravo encore une fois. C'est quand même très, très intéressant. Et au plaisir de se parler. Ouais, merci beaucoup. Puis, soyez tranquille au Saguenay. Prenez ça. Passez une belle été. Voilà, donc le boxeur de Shawinigan, Simon King.